Ici Johan, d'audiocité.net. Vous écoutez le podcast du volet audio des éditions de l'Avenir. Bonjour et bienvenue en ce 22 janvier 2010 au podcast du volet audio des éditions de l'Avenir. Christian Marteau au microphone. En intro, vous avez entendu Joanne, que je remercie de tout cœur de s'être prêtée au jeu. Joanne habite le sud de la France et est très impliquée comme lectrice chez audiocité.net. J'ai bien aimé son « À ce tordre » de Halley que j'ai eu l'occasion d'entendre et j'ai adoré sa petite fadette. Pour nous, elle a incarné Clara, la mère de Carl, dans Complot sur Alpa, ainsi que grand-mère dans l'audiodrama intitulé Grand-père. Je rappelle que notre podcast est présentement disponible parallèlement sur Gcast et sur Podomatic. Il s'agit de l'avant-dernière émission à être diffusée sur Gcast pour les raisons expliquées la semaine dernière. Sur notre blog, à l'avenir-audio.canalblog.com, dans la colonne gauche, sous « Podcast francophone, œuvre de fiction », vous trouverez deux liens conduisant aux pages du podcast sur les deux serveurs. Celui que j'ai nommé « Les éditions de l'avenir, le podcast version 2 » vous dirigera sur Podomatic, le nouvel hébergeur, et celui appelé « Les éditions de l'avenir présente, le podcast » vous mènera sur Gcast. Du côté du blog, au volet audio, notre aventure de Rouletabille poursuit son petit bonhomme de chemin. Les 15 premiers chapitres sont désormais en ligne, et jeudi prochain, nos auditeurs auront droit aux chapitres 16 et 17. Et oui, deux chapitres pour le prix d'un. Ceci dit, passons au vif du sujet. La semaine passée, nous avons laissé Mazas et Steve dans la prison des prêtres de Baalol sur Lupus IV, au moment même où Mazas découvrait Goral Tosef, l'homme qu'ils sont venus libérer. Voyons un peu s'ils pourront s'échapper de l'enfer de Lupus IV. Les éditions de l'Avenir présentent Agent de l'OMU, une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans la Gazette de Terrania, et Basis hors série, numéro 4. Chapitre 2. Fuite dans l'inconnu. Mazas se dirigea vers la cage d'où provenait la voix. Un jeune homme, aux traits émaciés, à la main gauche entourée d'un linge sanguinolent, la contemplait l'air extasié. Qui êtes-vous ? Mazas Pavel, c'est le Lord Amiral Atlan qui m'envoie. Les dieux soient loués, je savais bien qu'il me sortirait de là.